بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous poursuivons toujours dans l'étude des Arba'in Nawawi et aujourd'hui nous allons prendre le 16e hadith. Le hadith al-sadis ashar. Donc le shir commence en disant: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر وابن عياش أو عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. حديث رواه البخاري كما قلنا. Donc c'est hadith selon Abu Huraira qu'un homme se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: exhorte-moi, recommande-moi, conseille-moi dans le sens. Il lui dit: ne te mets pas en colère. Alors il répète, il lui dit: ne te mets pas en colère. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc ça c'est encore un hadith qui touche au bon comportement que dont doit faire preuve l'individu. Et il a été cité parmi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait recommandé cet homme sur ce point, la colère, du fait que plusieurs ahadiths sont venus où des sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les recommander. Et dans différents hadiths, il a cité différents points. D'accord ? Il a cité différents points. Et en fonction de chaque personne. Et là, il a dû savoir que cet homme était une personne coléreuse. Donc de là, il a appuyé sur ce point et lui a dit: ne te mets pas en colère. Donc le shir commence en disant: هذا الحديث انفرد به البخاري والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني وجارية بن قدامة كما في مسند أحمد قال أوصيني وأقلل علي فأوصاه بهذه وصيته أنه لا يغضب. Donc il dit, l'imam Bukhari s'est singularisé de ce hadith en disant que le prophète صلى الله عليه وسلم a recommandé à cet homme qui était Jariya ibn Qudama, hein, comme cela a été démontré dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, que cet homme qui lui a posé la question, c'est Jariya ibn Qudama radhiyallahu anhu. Donc il lui dit: recommande-moi et allège-moi. Donc il lui donna cette recommandation qui est celle d'éviter de s'irriter. Summa yaqul wal ghadabu minhumma wa mahmudun wa minhumma wa madhmumun. Donc la colère est de deux sortes, celle qui est louable et celle qui est blâmable, celle qui est mauvaise, celle qui est bonne. Et là, le hadith, lui, fait allusion à celle qui est mauvaise, bien entendu. وَإِنَّمَا يُنَهَا عَنِ الْغَضَبِ الْمَذْمُومِ وَالْغَضَبُ الْمَذْمُومُ وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَى مَا يُسِيءُ الْخُلُقِ. Donc, la colère qui est interdite, comme dans ce hadith, c'est celle qui est blâmable. La mauvaise colère, celle qui amène au mauvais comportement. وَالَّذِي يُسَبِّبُ إِرْتِكَابِ مَا حَرَمَ اللَّهُ مِنْ قَتْلِ وَمِنْ حُصُولِ الْفِتَنِ وخروج على نطاق الحق وغير ذلك. Donc il dit, il s'agit de cette colère, celle-même qui pousse à enfreindre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui amène, comme nous avons dit, au mauvais comportement, qui amène au meurtre, qui amène au trouble, qui amène à ne pas prononcer la vérité. Hein, cette colère qui amène à dire des choses fausses, vaines. Ou autre que cela. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب فقال إني لأعلم كلمات لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فأخبر الرجل بذلك فقال Awa bijunud muttafaqun alayhi an Salman al-Farisi. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois vu un homme se mettre en colère au point que son visage en devient rouge. Une colère furieuse. Et également à tel point que sa veine jugulaire enfla. La veine jugulaire de cette personne enfla, s'enfla. Par la colère, à cause de la colère. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes je connais une parole, s'il l'a prononcée, il verrait partir ce qu'il ressent en lui. S'il disait A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je recherche refuge auprès d'Allah contre le shaitan lapidé, ce qu'il ressent s'en irait. Cette colère qu'il ressent en lui s'en irait. Alors l'homme fut informé de cela et dit, comment ? Est-ce que je suis fou ? Suis-je atteint de folie ? Et le hadith est mutafakun alayh. Que veut dire par cela ? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit cela directement, sachant que dans la colère, il se peut qu'il rejette cette parole-là. Et une personne ayant entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela, est parti en informer la personne, est parti en informer cet homme, ce qui amplifia encore plus sa colère. Comment ? Il dit quoi ? Je suis fou ? D'où la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas lui avoir dit directement. Il en a informé ses compagnons, sans le dire à la personne concernée, sachant que dans ce moment de colère, il se peut que sa colère s'amplifie, s'accumule. Mais quelqu'un d'autre est parti lui dire, et de là arriva ce qui était à éviter, c'est-à-dire d'amplifier la colère de la personne. Non. Donc il dit, وليس المقصود النهي عن الغضب الذي هو من صفة الإنسان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بسرعة ولكن الشديد الذي يملكه نفسه عند الغضب. Donc là, le but ici, ce n'est pas d'interdire la colère qui est un sentiment naturel chez l'homme. Hein? L'homme a été créé et parmi les sentiments qu'il ressent, il y a la colère. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le dur, on va dire, le ferme, le fort, n'est pas celui qui se met en colère vite, qui s'irrite vite, mais c'est celui qui retient justement cette colère, hein, c'est celui qui retient cette colère en lui. Car on voit des fois des gens, tu les vois se mettre en colère très vite et commencer à faire des actions que eux voient comme étant braves, sous l'effet de la colère, et les gens s'imaginent que celui-là c'est un dur, c'est un vrai, c'est un homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dit non, justement, celui qui est fort, celui qui est ferme, celui qui se retient, celui qui arrive à maîtriser sa colère. Non. وقد ذكر أهل العلم أن علاج الغضب أنه إذا كان قائما يقعد وجاء أحاديث بذلك وإذا كان قاعدا فيضطجع وإذا توضأ أهدأ له فإنه غليان الدم في الجسم الإنسان فهذا يستريح به وتذكر عواقب الغضب وما فيها من أضرار وتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. Donc il dit que les gens de science ont déjà évoqué quel était le remède contre la colère. Comme par exemple, que si la personne est debout, alors elle s'assoit. Et des hadiths sont venus sur cela. Comme par exemple le hadith rapporté par Abu Dha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iza radiba ahadukum wa waqa'imun falyajlis, fa in zahaba anhu wa illa falyattajia » Rawu Ahmed ou Abu Dawud. Comme par exemple le hadith rapporté par Abu Dhar, où dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un d'entre vous se met en colère et qu'il est debout alors qu'il s'assoit, et ce qu'il ressent partira, et si ce n'est pas le cas, alors qu'il s'allonge. Rapporté par Ahmed Abu Dawud, comme nous l'avons dit. Et également qu'il fasse l'odo. Hein, s'il fait l'odo, cela l'apaisera et le calmera. Car la colère, c'est une action, une agitation du sang dans les veines de la personne, dans le corps de l'homme. D'accord ? Alors, en faisant l'odo, cela réduira de cette agitation qui coule dans ses veines et le calmera. Et également, parmi les remèdes de la colère, que la personne se rappelle des fâcheuses conséquences de cette colère. Hein ? Qui se rappelle jusqu'où cette colère peut le mener. Comme mauvaise rétribution. Et également, si elle comporte comme nuisance, comme dommage. Et qu'il se rappelle des hadiths qui interdisent cela. Qui interdisent la colère, la mauvaise colère. On parle là de la mauvaise colère. Non. وَالْغَضَبُ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ. Et là, maintenant, le shir, il cite la colère qui, elle, est louable. La colère qui, elle, est louable. Qui est une bonne colère. الْغَضَبُ لِحُرُمَاتِ اللَّهِ مِثْلْ غَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله متفق عليه. Donc parmi les colères louables, la bonne colère, que le prophète صلى الله عليه وسلم se mit en colère lui, en différents, dans multiples situations, hein, en différentes occasions. Et la principale, c'est si jamais les lois d'Allah sont enfreintes, les limites d'Allah sont enfreintes ou outrepassées, alors il se mettait en colère. Comme cela a été rapporté dans le hadith par Aïcha, Mutafakun Ali, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais pour une chose personnelle, mais ne se vengeait que si les lois d'Allah étaient outrepassées. Non. وغضب أيضا حين رأى نخامة في القبلة في قبلة المسجد حكها وتغير وجهه وغضب حين رأى نمركة في بيت فيها تماثيل وغضب حين أخبر أنهم قالوا إنه لا يعدل أخبره ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا يقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فتغير وجهه حتى وتغير وجهه حتى كان كسرف وقال فمن يعدل إذا لم أعدل يرحم الله موسى لقد أذي بأكثر من ذلك فصبر. Donc il dit par exemple dans les colères ressenties par le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté de lui qu'il se mit en colère lorsqu'il vit un glaire par exemple dans la qibla du masjid, dans la direction de la salat. Alors il le gratta et son visage changea. Son visage se transforma par la colère lorsqu'il vit cela. Et également se mit en colère lorsqu'il vit des images, je crois que c'est des oiseaux, sur une numurka. Numurka, c'est un tissu, une étoffe qui fait office de rideau lorsqu'on la suspend en l'air, et de, on va dire, de paillasse lorsqu'on la met par terre. Alors, lorsqu'il rentra chez lui, il vit ce numurka avec des images dessus d'oiseaux, donc il se mit en colère. Également, il se mit en colère lorsqu'il fut informé que des gens dirent qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas équitable. Il fut informé par cela par Ibn Mas'ud. Hein? Lorsqu'un homme dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il s'agit là d'un partage par lequel n'est pas recherché le visage d'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un partage et donna des richesses à différentes personnes, pour la maslaha, pour l'intérêt, donna plus qu'à d'autres, un homme s'exprima de la sorte et dit que ce partage n'a pas été fait pour le visage d'Allah. Donc Ibn Mas'ud en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se mit en colère, et son visage changea. Et il dit, et qui est juste si je ne suis pas moi? Qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, qui a certes été offensé plus que cela, et a patienté. Wa radiba hina shafa usamatu fil mar'ati al-marzoumiya allati sarakat. Wa radiba hina ra'a ala Ali radira anhu hullata halir. Wa radiba hina amrahum bitahallul من الإحرام فترددوا فغضب حين سأله عن مسائل كرهها فلما أكثروا علي المسألة غضب وقال اسألوني وغير ذلك. Donc il dit également, il se mit en colère, hein, lorsque Oussama ibn Zayd tenta d'intercéder pour une femme qui avait volé, hein. Donc cela mit en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit comment tu veux intercéder dans les lois d'Allah? Et là il dit, par Allah je jure que même si Fatima, la fille de Mohammed, avait volé, je lui couperai la main. Walau salakat Fatima bint Mohammed la katartu yada. Se mit en colère du fait qu'une personne ait voulu intercéder dans les peines et les décrets d'Allah, lorsque ses limites sont outrepassées. Également, il se mit en colère lorsqu'il ordonna à ses compagnons de se désacraliser, hein, de sortir de l'état de sacralisation, et ce dernier hésitèrent. Donc il rentra chez lui, il s'en plaint auprès de l'une de ses femmes, je crois que c'est Salama, Allah Alam, j'ai oublié, et lui dit, laisse, toi, reste dans la tête, et égorge ton animal, ne dis rien, et Inch'Allah tu verras que tout se passera bien. Et il sortit, il agit de la sorte, et il vit que les compagnons le suivèrent en cela. Mais au début, ils n'ont pas voulu lui obéir. À ce moment-là, il s'était mis en colère. Et également, il s'est mis en colère lorsque des gens lui posèrent beaucoup de questions. Plein de questions, sans grand intérêt. Donc, il s'est mis en colère et dit, interrogez-moi. C'est-à-dire par colère. Même un homme lui dit, qui est mon père? Il nomma son père. Donc, ce jour-là, pour cause de grande multitude des questions qui lui ont été posées, il s'est mis en colère. Là, c'est encore une preuve que poser trop de questions amène à irriter les gens. Donc, tout cela pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est mis en colère à des moments où cette colère était légitimée. Elle était de plein droit. Donc il dit, ومن أسباب ذهاب الغضب الصبر وَالْتَذَكُرْ لِمَا يَحْصُلُ لِلْمَادِيِّينَ مِنَ الْأَذَى. Et parmi les causes qui amènent à estomper la colère, il y a la patience, hein, l'endurance, le fait de se contenir. Et également le fait de se rappeler de tout ce qui pourrait en découler comme fâcheuse conséquence. Celui qui se rappelle de cela, que la colère peut amener à une triste fin, il s'en rappelle, et Inch'Allah, cela l'aide à se calmer, à s'apaiser. وَالْغَضَبُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الطَّلَاقِ الرَّجُلِ زوجته التي لا يريد أن يطلقها ويؤدي إلى تيتيم الأولاد ويؤدي لقتل النفس التي حرم الله بغير حق وإلى إخراج كلام باطل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نعم ويؤدي إلى ضيق الصدر وربما أدى إلى اشتد على صاحبه إلى بعض الأمراض العصبية أو ضغط الدم وإضعاف التفكير وذهاب المعلومات ولسوء التصرف وإلى غير ذلك مما يصدر من غير المعصوم. Donc il dit également que la colère amène à ce que l'homme puisse divorcer sa femme, hein, le pousse à divorcer sa femme alors qu'il ne le souhaitait pas. Dans la colère, il prononce le mot du divorce. Également, cela amène à rendre des enfants orphelins. Comment ? Par le fait de tuer leur père, par exemple, dans la colère, comme le dit le shir, que cela amène à l'assassinat, au meurtre, au fait de tuer une personne dont le sang est illicite, c'est-à-dire autre que dans les sentences. Une personne qui a été tuée qui ne le mérite pas. Également, la colère amène à dire des choses fausses et vaines et futiles. Et la colère, également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation où il demande à Allah qu'il lui accorde de prononcer la vérité sous la colère ou dans l'agrément. Hein? Quelle que soit la situation, qu'il ne prononce que la vérité. C'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc que dire de nous? Également, la colère amène à rendre la poitrine étroite. Lorsqu'une personne est en colère, souvent sa poitrine se resserre, elle ne se sent pas bien. Que cette colère peut amener à des maladies. Hein? La colère peut amener à ce que des gens en tombent malades pour cause de leur nervosité. Également, cela peut faire monter la tension dans le sang. Hein? Le sang s'écoule plus vite, qui rend dans les maladies. Et également, cela amène à des mauvaises... à faire perdre la réflexion. Une personne, lorsqu'elle est en colère, elle ne réfléchit plus à ce qui se passe. Il est complètement déboussolé, désorienté, et de là, il peut, cela l'amène à commettre des actes qu'il regrettera par la suite, comme le divorce, nous l'avons dit, ou le meurtre, ou les insultes, et ainsi de suite. Et toutes ces choses-là qui arrivent à qui? À ceux qui ne sont pas infaillibles, hein? C'est-à-dire l'être humain. وقد تكلم العلماء على طلاق الغضبان وفي تفصيل فإذا طغى الغضب على الذئن بحيث لا يدري ما يقول فهو شبه مجنون والمجنون لا ينفذ له طلاق لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنه المجنون حتى يفيق وإن كان يشعر ما يقول فالغالب الناس ما يطلق وهو مستريح ما يطلق إلا وقد تغاضب مع امرأته وطلاقه نافذ ما دام يشعر ما يقول وناويا الطلاق. Donc il dit également que les savants ont parlé du sujet de ce qui touche au divorce de la personne irritée, de l'homme en colère, l'homme furieux lorsqu'il divorce sa femme. Est-ce que ce divorce est compté ou pas? Donc il dit qu'il y a un détail sur la question. Hein? Il faut développer le sujet. Que si jamais par exemple cette colère l'a poussé, l'a amené à un point où il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus où ce qu'il en est, il ne sait plus ce qu'il dit, tellement il en est furieux, et prononce des paroles qu'il ne ressent même pas, alors lui, il ressemble un peu au démon, au fou. Vous voyez? Un peu une personne démente. Donc lui, son jugement, c'est que ses actions ne sont pas comptées. Donc son talaq, son divorce, n'est pas compté. Se basant sur le hadith, apporté par Ali, qui a été dit que la plume a été levée de trois personnes. Et parmi ces trois personnes, il y a le fou, le démon, hein, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc celui qui a une colère furieuse à tel point qu'il ne sait pas ce qu'il dit, lui, Inch'Allah, son divorce n'est pas compté. Cependant, si jamais il sait ce qu'il dit, il ressent ce qu'il dit, il en est parfaitement conscient, car l'habitude chez les gens, le plus fréquent chez les gens, chez les hommes, c'est que lorsqu'ils divorcent leur femme, ils ne sont pas en état d'apaisement, en état de relaxation, ainsi de suite. Généralement, ça se passe sous la colère. Hein, ça se passe après une dispute entre le mari et sa femme, et de là l'homme prononce le divorce. Ça, c'est ce qui est fréquent, c'est ce qui est le plus souvent. Donc, ça veut dire que la colère n'est pas un justificatif permettant d'annuler ce divorce. Car en général, le divorce se prononce sous la colère. Mais il y a colère qui fait perdre la raison, une colère qui, elle, l'homme reste conscient de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, et garde l'intention. Il a l'intention de faire son talaq, son divorce, donc celui-ci est compté. Naam. Ibn Rajab lui rapporte dans son livre Jami' al-Ulum al-Hikam selon le Hassan al-Basri qu'il dit Arba man kunna fihi asima Allah min shaytan wa harrama ala an-nar wa harramahu ala an-nar man malaka nafsahu 'inda al-raghba wa rahba wa shahwa wa al-ghadab. Et Omar ibn al-Aziz annahu qala qad aflaha man usima min al-hawa wal-ghadab wal-tama. Donc il dit que l'Hassan al-Basri lui rapporte que quatre choses, si l'homme les contient en lui, hein, quatre caractéristiques, si l'homme les contient en lui, Allah le préservera du shaitan et rendra le feu illicite. C'est-à-dire qu'il ne sera pas touché par le feu. Hein, que le feu lui sera rendu illicite, qu'il ne sera pas touché par le feu. Quelles sont ces quatre choses? La première, il dit celui qui se retient, qui arrive à se maîtriser lors des convoitises. Qu'il désire une chose ardemment, et il arrive à se contenir. Ça, c'est la première. La deuxième, celui qui se maîtrise lors de la frayeur. Il est effrayé par une chose, mais pourtant il se contient, il se maîtrise. La troisième, c'est celui qui arrive à se maîtriser face au plaisir. Hein, au plaisir qui attire, au plaisir par exemple, comme le plaisir charnel ou autre chose qui y ressemble. Et le quatrième point, celui qui se maîtrise lors de la colère. Hein, lors de la colère. Car ces quatre points, celui qui ne se maîtrise pas peut tomber dans les choses illicites. Celui qui convoite une chose ardemment, par exemple de l'argent, peut tomber dans les choses interdites pour l'obtenir. Celui qui tombe, qui est effrayé d'une chose, peut tomber dans des choses interdites, comme par exemple être face à l'ennemi et il se sauve par peur de l'ennemi, par peur de la mort, par exemple. Ou les charouettes, un homme par exemple qui désirerait une femme, s'il n'arrive pas à se maîtriser, pourrait tomber dans le zina, dans la fornication. Et la colère, nous l'avons cité dans le hadith là actuellement. Et la parole de Omar ibn Abdelaziz, qu'il dit que certes a réussi celui qui était préservé de ses passions et de la colère et de la convoitise. Qui tourne autour du même sens que la parole d'Al-Hassan. Ça tourne autour du même sens. Non. Donc là, ce hadith nous amène à nous réformer et à faire attention aux colères. Hein, à faire attention à nos colères, car celles-ci peuvent nous emmener dans des situations assez difficiles et mettre l'homme dans des difficultés, dans des problèmes. Et l'amener à regretter les actions qu'il aura commises lors de cette colère. Et la colère, nous l'avons cité, est de deux catégories. Celle qui est bonne, celle qui est mauvaise. Se mettre en colère pour les lois d'Allah, cela est une chose louable et recommandée. Et là, des preuves ont été citées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, s'est mis en colère. Naam. Nous disons même que la colère est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La colère est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, seulement sa colère n'est pas comme celle de l'être humain, bien entendu. Donc de là s'achève le hadith. Et comme il était court, nous allons rentrer également dans le 17e hadith. Al-Sabi'a Asha. Donc on poursuit. Al-Hadithu Al-Sabi'a Asha. Qala al-Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba. Haddathana Ismail ibn Ulayya. An Khalid al-Hazza. An Abi Qilaba. An Abi al-Ash'ath. An Shaddad ibn Aws. Qala رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. Donc le hadith qui a été selon Shaddad ibn Aws rapporté par l'imam Muslim, également le hadith d'imam Muslim s'en est singularisé, il n'y a que lui qui l'a rapporté. Il dit, certes Allah a prescrit la bienfaisance, l'excellence en toutes choses. Donc si vous tuez, alors faites-le de bonne manière. Et que si vous égorgez, alors égorgez de bonne manière. Et que l'un d'entre vous affûte sa lame et qu'il apaise la bête qu'il va égorger. Hein, qu'il apaise la bête qu'il va égorger. Donc ce hadith amène à quoi ? À démontrer que, quelles que soient les actions faites par l'homme, l'individu, le musulman, quoi qu'il fasse, quel que soit ce dans quoi il s'engage, qu'il le fasse bien. Hein, qu'il le fasse bien, selon les lois d'Allah, qu'il ne soit pas négligent dans les choses qu'il entreprend. Il dit, وَلَيْسَ لِشَدَّادِ بْنْ أَوْسِيلِ فِي أَحْسَحِ الْمُسْلِمِ سَوَادَ الْحَدِيثِ. Il dit que l'imam muslim n'a apporté aucun hadith de Shaddad ibn Awsin à part celui-là. Non. Et également, l'imam Bukhari a apporté un autre hadith de lui, un seul, dans Sahih Bukhari, un seul de lui également. Ça s'appelle un muqil. Hein? Ça s'appelle un muqil. Quand un sahabi n'a apporté qu'un seul hadith ou très peu, il s'appelle un muqil. Non. Donc il dit, le shir, Hafizallahu ta'ala, وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَوَامِعِ كَلَامِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء فكتب الله الإحسان في التوحيد قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc il dit ce hadith est parmi les choses, les paroles générales qui englobent un grand sens, un grand nombre de sens des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en peu de mots, il apporte beaucoup de sens. Et sa parole, quand il dit que certes Allah a écrit l'excellence et la bienfaisance en toutes choses, que Allah a mis la bienfaisance, par exemple, par son tawhid. Quand il dit, dans le sens, et adorer Allah, et ne lui associer rien. Ensuite, il poursuit en disant, وَمَنْ أَشْرَكَ مَا أَلَّهِ مَا أَحْسَنَ بَلْ أَسَا إِسَاءَةً عَظِيمَةً. Donc, celui qui a associé Allah n'a pas été bienfaisant, n'a pas fait preuve d'excellence. Au contraire, il a fait preuve d'outrage et de très mauvais comportement. Qala ta'ala, wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Et que Allah a décrété de n'adorer que lui et de faire preuve de bienfaisance envers les parents. Wa kataba Allahu al ihsana fi 'ishra. Et que Allah également a prescrit la bienfaisance dans la vie conjugale. Entre l'homme et sa femme. Qala ta'ala, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْلُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Donc il dit, à propos de celui qui veut se séparer de sa femme, soit il la retient de façon convenable, ou soit il la laisse partir avec bienfaisance. Ce n'est pas il la maltraite ou l'injuste envers elle. Non. وَالْإِحْسَانُ فِي الطَّهَارَ لِحَدِيثِ إِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. وَلَوْ بَقِيَ مِنْ بَعْضِ أَعْدَى الْوُضُوءِ قَدْرَ الظَّرْفِ وَظَفْرَ فَالصَّلَاةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ. Donc également, Allah subhanahu wa ta'ala, donc là il dit quoi ? Qu'il a également mis la bienfaisance dans les ablutions, dans l'eau d'eau. Qu'il faut bien les faire. Lorsque tu fais l'eau d'eau, tu le fais parfaitement. Comme le prouve le hadith, اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. Le shayla c'est فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. Retourne et refais ton odo, refais le bien. Pourquoi cela a vu un homme faire l'odo qui avait laissé une partie de son talon sèche, donc l'eau n'avait pas atteint cette partie-là. Donc il lui dit, retourne et refais bien ton odo. Donc il dit que s'il y avait une partie de l'odo ou partie des membres de l'odo, des ablutions, n'a pas été atteint par l'eau, ne serait-ce que ce qui équivaut à un ongle, hein, une chose aussi minime qu'un ongle, et bien l'odo, la salade de cette personne-là, ne sera pas valide. Car son odo n'aura pas été parachevé. N'aura pas été complet. Et il dit, wa kataba Allahu al-ihsana fi as-salat, que Allah également a prescrit la bienfaisance dans la salat. Li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lil musii salatah, salli, fa innaka lam tusalli. Wa sama al-musii salatah, li'annahu ma ahsanaha. Sallaha wa lam yuhsin ruku'aha wa khushu'aha. Fa hiya batila. Donc comme nous l'avons dit, qu'il a également prescrit la bienfaisance dans la salat, le fait de bien la faire. Hein? Comme il l'a dit à un homme qui avait mal accompli sa salat, il a dit retourne, faire ta salat, car tu ne l'as pas accompli. Par rapport à cet homme qui se précipitait et ne respectait pas les piliers de la salat, comme l'inclinaison ou la concentration, ainsi de suite. Donc il lui dit, retourne et refais-la. Il n'a pas fait preuve de bienfaisance dans sa salat, donc il a dû la recommencer. وكل ما ذكر في ذلك الحديث يعتبر من فرائض الصلاة وكتب الله الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعني من حيث المراقبة لله عز وجل. Donc il dit dans ce hadith, yani dans le hadith de l'homme qui devait retourner faire sa salat, que les choses citées dans le hadith comme le recours, l'inclinaison ou le khushu, la concentration et autres, des choses que cet homme n'a pas respectées, font partie des obligations de la salat. Celles-ci sont considérées comme étant parmi les obligations de la salat, donc cet homme a dû la recommencer. Et que Allah également a écrit, a prescrit la bienfaisance, l'excellence dans l'adoration. Comme nous l'avons pris où ? Dans le hadith de Jibril, quand il dit « Ma wa l'ihsan » C'est quoi l'ihsan, la bienfaisance ? C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et que si jamais tu ne le vois pas, alors sache que lui te voit. Ça, c'est également la bienfaisance entre le serviteur et son Seigneur. Du fait qu'il sait que Allah le surveille et le regarde. Donc il sera bienfaisant dans ses actes d'adoration. Et ça, c'est ce qui touche la bienfaisance, comme nous l'avons dit, entre le serviteur et Allah. Maintenant, il y a la bienfaisance entre les serviteurs entre eux. La bienfaisance des serviteurs entre eux, comme le cheikh le cité actuellement, où il dit « وَحَدِيثُ أَثَلَاثَةِ أَصْحَابِ الْغَارِ كُلُّ وَحِدٍ يَقُولُ إِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ إِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْكَرْبِ وَالضِّيقِ وَالشِّدَّةِ بِسَبَبِ إِحْسَانِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْأَعْمَالِ. Donc il dit également dans le hadith des trois rapporté par Abdou Omar, les trois qui ont été enfermés dans une grotte, qui ont été contraints de passer la nuit dans une grotte, qu'un rocher s'écroula sur eux, et qui se retrouvèrent prisonniers de cette grotte. La seule façon de sortir, que leur seul recours était d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les libère de cette grotte. Et leur seule façon d'y parvenir, là, était de citer leurs bonnes actions qu'ils avaient faites avec sincérité. Donc ils dirent, chacun d'entre eux après avoir cité son action, il dit « Ô Seigneur, si j'ai fait cela en ne recherchant strictement que ton visage, alors libère-nous de ce dans quoi nous sommes. » Et à la fin, Allah finit par les libérer et fit dégager le rocher. Et ça pour cause de la bienfaisance dont ils ont fait preuve envers les autres créatures. Envers les autres créatures et également envers Allah pour leur sincérité. Non. وربنا يقول سبحانه تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Donc dans le sens Allah subhanahu wa ta'ala dit تبارك celui, yani eux ils traduisent par que soit béni, je sais pas comment on traduirait تبارك. Eux ils ont mis chic dans les mushaf, dans les tarjama, dans les traductions du sens, ils disent que soit béni, mais je sais pas si ça convient. Celui dont la royauté est dans ses mains et qui est capable de toute chose. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui est celui d'entre vous qui œuvre le mieux. Et il est le puissant et le pardonneur. Le puissant et le pardonneur. Donc là, le shahid du verset c'est Ayyukum ahsanu amala. Celui qui œuvrera le mieux. Là, en français, on ne pourra pas vraiment le faire ressortir. Mais là, en arabe, le shahid, c'est Ayyukum Arsanu Amala. Celui qui fait preuve, le plus preuve de bienfaisance dans ses œuvres. Non. وَمِمَّا كَتَبَ اللَّهُ الْيَسَانَ فِيهِ الْخُلُوكَ الْحَسَنَ. Et parmi les choses dans la bienfaisance que Allah a prescrite, le noble comportement, le bon comportement, le noble caractère. وَالْكُلُ الْحَسَنَ. Et la bonne parole. قال تعالى وَكُلْ عِبَادِي يَكُولُوا لَتِيَّ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُوا بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Donc le fait de prononcer des bonnes paroles, comme le prouve sa parole dans le sens où il dit à mes serviteurs de s'exprimer de la meilleure des façons, Car certes, Shaitan, hein, Shaitan sème les troubles entre mes serviteurs. Et que Shaitan est certes un ennemi déclaré pour l'homme. Nous l'avons cité dans le cours précédent, qu'une mauvaise parole peut amener à de bien mauvaises conséquences lors d'une querelle. Un mot de trop peut aggraver la situation. Alors que tout le contraire également, une bonne parole peut, elle, apaiser et améliorer une situation entière. Juste une bonne parole. Donc, elle y a celle qui le call. Hein, la bienfaisance dans le parler. Hatal kitaba, yu'allifu wa yursin. La yati linnasi bima yadurruhum. Bel yati linnasi bima yadfa'uhum. Et également dans l'écriture. Quand tu écris quelque chose, tu écris dans ce qui fait profiter aux gens. Tu n'écris pas dans ce qui leur nuit, mais dans ce qui leur fait profiter, et tu écris bien. Hein? Tu écris bien. وَلِيَسَيْنُ فِي الْحَجِّ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى سَلَمْ لِحَدِيثِ خُزُوا مِنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا لَكَوَكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا. Donc il dit également la bienfaisance dans l'accomplissement du Hajj. Hein? Et quelle est cette bienfaisance de fait d'accomplir ce Hajj comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa guidée. Comme le prouve le hadith où il dit, prenez de moi vos rites car il se peut que je ne vous rencontre pas la nuit suivante. Là c'était le, quand lors du Hajj al-Wada'a, lors du pèlerinage, lors du Hajj d'adieu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des signes qu'il savait qu'il allait peut-être mourir. وهكذا الذبيحة من الإحسان إليها أن تكون لله لإكرام الضيف أو هدية أو أضحية أو طعاما أو بيعا لا تكون إلا لله. Donc il dit également dans le fait d'égorger un animal qu'il faut être bienfaisant en cela et que cela ne doit être accompli que pour Allah subhanahu wa ta'ala, que cet égorgement, ce sacrifice ne doit être accompli que pour Allah. Hein, qu'il s'agisse d'honorer un invité ou un sacrifice comme celui du Hajj ou celui du Eid ou pour se nourrir ou pour l'achat, le commerce, tout cela doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala et accompli avec bienfaisance. Qawluhu, là ça revient à quoi la parole lui dit, hein, fa ahsinu adh-dhibha dans le hadith. Que si vous égorgez, alors faites le bien. Cette partie-là, revenez à cela. Qawluhu, faize kataltum, fa asnu al-katla. Donc, la parole du hadith, et que si jamais vous tuez, alors tuez de bonne manière. Al-maqsudu hatta walo katalu al-kuffar, wala yajda anfahu, wala yumathil bihi, wala yasmal aynai, wala yubattiku udhuna. Qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi, urzu fi sabilillah. قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا. Donc il dit, là le sens voulu, c'est si jamais le musulman venait à tuer une personne, que cela soit parmi eux, qu'il applique les sentences d'Allah, ou qu'il soit amené à tuer les kuffars, les mécréants, lors des combats par exemple. Qu'il doit bien se comporter. Il n'a pas le droit de le mutiler, c'est-à-dire ni de lui, par exemple, arracher le nez, ou de lui crever les yeux, ou de lui fendre les oreilles, ou de le prendre, comme nous avons dit, de le mutiler en vue de dissuader les autres, c'est-à-dire de le prendre et de le torturer et de le laisser là, apparence des gens, comme nous l'avons dit, en vue de dissuasion. Cela n'est pas permis. Hein, cela n'est pas permis. Comme le prouve le hadith, où il dit à ses compagnons, partez en conquête sur le sens d'Allah, combattez ceux qui mécroient en Allah et ne faites pas subir de mutilation ou de torture. Hein? Pas de torture, ni de mutilation. Non. Et nous avons déjà cité dans ce sujet-là, dans le hadith, dans le 14e hadith, ou le 15e, que lors du qisas, le talion, lorsqu'on applique la peine de mort pour une personne qui aurait tué une vie de façon illicite, qu'il y a un khilef, est-ce qu'on le tue comme lui l'a tué, ou est-ce qu'on le tue directement, rapidement, pour le soulager ? Il y a un khilaf sur la question, comme cela est arrivé avec le juif qui avait tué cette jeune fille en lui écrasant la tête entre deux pierres. Le juif fut tué de la même façon. Non, Donc là, il y a une divergence sur le sujet. Même une fois, une histoire qui est venue par rapport au fait de torturer le criminel, que des hommes étaient venus et s'étaient convertis à l'islam. Et ils étaient tombés malades. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les envoya vers un berger de chameaux et leur dit de boire son urine. Car l'urine de chameau est un remède. Hein, c'est un soin à prendre. Et ils s'en allèrent, ils apostasièrent, d'accord, et ils tuèrent le berger en lui crevant les yeux, en lui coupant la langue et en lui coupant la main et les pieds de côté opposé. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cela, il envoya des hommes à leur poursuite pour les ramener et il leur fit subir le même châtiment. Il leur creva les yeux, il leur coupa la langue, il leur coupa les membres de côté opposé et les laissa giser au soleil. Hein, sous le soleil, assoiffés, à tel point que des gens passaient, ils leur demandaient de l'eau pour boire, pour s'abreuver, et les gens refusaient cela. Donc dès là, des savants ont émis également un khilaf quant au fait de torturer le criminel qui aura outrepassé les limites, qui aura été trop loin dans ses actes. Une divergence également a été établie, mais là n'est pas le sujet. Mais l'origine, c'est que la personne qui subit une sentence, celle-ci doit être soulagée et appliquée rapidement. Cela fait partie de la bienfaisance, comme le prouve ce hadith. De tuer correctement. Si on est amené à tuer, alors de le faire correctement. Également, dans le fait d'être bienfaisant, j'aimerais citer ce que Cheikh Othaymine a dit. Là, nous avons parlé de quoi ? De l'ihsan, hein, l'ihsan envers les êtres humains, envers les gens. Mais également, il y a l'ihsan envers les animaux. Hein, envers les animaux, car il n'est pas permis de maltraiter les animaux. Les animaux en islam ont leurs droits. Et que Cheikh Othaymine, dans le charge de ce hadith, lui dit quoi ? Il dit que chez les savants, il y a une règle. Car des fois, les gens peuvent se dire, ai-je le droit de tuer tel animal ou pas ? Donc il dit, il y a une règle qui est « Ma adha tab'an kutila shal'an » que tout ce qui nuit, qui est de nature à nuire, hein, les animaux qui sont de nature à nuire, alors il est légiféré de les tuer. Il est permis de les tuer. Comme par exemple, les serpents, le scorpion, les rats, et ainsi de suite. Ces animaux-là, il est permis même, voire recommandé de les tuer. Même dans un hadith, il est venu que lors de ta salate, même en pleine salate, s'il venait à passer devant toi un serpent ou un scorpion, tu peux le tuer en pleine salate. Car cet animal-là pourra te nuire et te faire du mal. Et le rat, également, était nommé le fouessika, hein, la petite perverse. Car elle rentre dans la maison, la souris ou le rat, et cause des dommages et des dégâts. Cependant, si tu les tues, tu dois les tuer avec bienfaisance. Par exemple, le rat, que ce n'est pas, tu lui mets un piège à rat, hein, un piège à rat, comme vous le savez, par exemple, tu attires le rat sur une tapette qui, après, le bloque, le prend par la queue, et le rat se retrouve prisonnier. Il dit, c'est pas tu poses ce piège à rat, le rat se fait attraper, et tu le laisses là, y mourir de faim et de soif, pendant plusieurs jours. Cela n'est pas permis. Car sans quoi, tu retrouverais dans le hadith de cette femme qui n'a pas permis à son chat de sortir pour se nourrir, et ni elle ne l'a nourri. Donc elle est rentrée au feu pour cela. Toi, tu es sur la menace du même châtiment, par rapport ne serait-ce qu'un rat, hein, ou une souris. Cependant, si jamais tu mets un piège à rat, alors, une fois que le rat a été emprisonné, toi, tu cherches à voir est-ce qu'il est toujours présent, et là, tu le tues, tu l'achèves. Mais tu ne laisses pas souffrir et mourir de faim ou de soif. Cela n'est pas permis, même un rat. Tu l'achèves, et tu le tues rapidement. Et les animaux également, des hadiths sont venus par rapport à certains animaux qui n'est pas permis de les tuer. Comme la grenouille par exemple, des hadiths sont venus que la grenouille, il n'est pas permis de la tuer. Ou les fourmis, ou même les araignées. Cependant, le chir cite qu'il se peut que des fourmis s'instaurent dans ta maison et causent des dommages. Par exemple, il y a des fourmilières chez toi et tu vois une grande multitude de fourmis dans la maison. Donc là, à ce moment-là, il t'est permis de les tuer, car celles-ci te nuisent. Mais comment tu les tues ? Avec bienfaisance, par exemple, insecticides ou ainsi de suite. D'accord ? Tu les tues rapidement. En dehors de cela, il n'est pas permis de les tuer. Même l'araignée. Je parle de l'araignée, mais c'est vrai que demain, tu verrais une tarentule chez toi, une mygale. Je ne pense pas que le hadith concerne ce genre d'araignée, mais concerne plutôt les araignées qui sont sur des toiles, dans les maisons, car elles mangent les insectes, comme les moustiques ou les mouches. Par contre, les grosses araignées comme les mygales, les tarentules ou les veuves noires, celles-ci sont mortelles et dangereuses pour l'homme. Celles-ci rentre dans la règle citée que ce qui est de nature à nuire, il est permis de le tuer dans la législation. Non. Donc la bienfaisance aussi également envers les animaux. Donc le shir, shir yahab aussi en disant. Là il va parler de quoi? Du fait d'égorger. Kouluhu, faiza zabahtum, farsinu al-zibha. Donc si vous égorgez, faites-le de bonne manière. Wa mimma yursinu al-zibha, anna ma yunharu, yunharu. Wa ma yusbahu, yusbahu. Al-ibil, yunharu, fa yunhar. Wa hadha min irahatiha. والأبقار والأغنام تذبح ولو أنه نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر طيب ولو أنه نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فمع كون حلال لكنه ما أحسن إليها وربما عذبها أو شق عليها. Donc il dit parmi la bienfaisance dans le fait d'égorger, de sacrifier un animal, c'est que l'animal qui doit être, il y a deux formes de sacrifice pour les animaux. Il y a l'égorgement et il y a le nahr. Le nahr, c'est ce que l'on fait pour le chameau, par exemple. Comme le fait de lui percer la veine jugulaire en bas de la gorge. Car on ne peut pas tuer un chameau comme on tuerait un mouton ou une vache. Le chameau est bien plus grand et n'est pas constitué de la même façon. Donc le chameau, lui, tu ne peux pas l'égorger. Tu ne peux pas égorger un chameau. Si tu essayes, c'est très dangereux pour toi. Hein? C'est risque, à tes risques et périls, comme on dit. Donc de là, la façon de tuer le chameau légiféré, c'est le nahr. C'est que tu lui perces la veine jugulaire par en bas et tu le laisses se vider de son sang. Non. Cependant, la vache, le mouton, les brebis, ainsi de suite, les taureaux, eux se font égorger. Donc il dit, parmi les scènes, c'est de faire le nahr pour l'animal qui le mérite et faire le zabh, l'égorgement, pour l'animal qui le mérite. Bien que si tu faisais l'inverse, la viande serait halal, mais tu n'auras pas été bienfaisant envers eux. Par exemple, tu prends une vache et tu lui fais, tu la sacrifies de la même manière que tu sacrifierais un chameau. Le chir dit que le fait que tu aies tranché sa veine jugulaire, qu'elle se vide de son sang, la viande sera halal. Cependant, toi, tu n'auras pas été bienfaisant envers cette vache. Peut-être même tu l'auras torturée. Car cette façon-là n'est pas la façon appropriée de la tuer. Non. Ou comme égorger un chameau, le chameau n'a pas été constitué de sorte à se faire égorger. Et comme nous l'avons dit, c'est là même dangereux pour la personne qui l'égorgerait, car le chameau est grand. Hein, et vif, et fort, et il se débat. Cela pourrait être dangereux pour la personne. Donc il dit وَذَلِكَ أَسْعَاكْ لِدَجَاجْ أَوَ الْأَبْقَارْ لَيْسَ مِنَ الْإِحْسَانِ بَلْ هُوَ مِنَ الْإِسَاءَ مِنَ الْدَرَارْ وَيَكُونُ مِمَّا أَذَوُ فِيهِ تِلْكَ الدَّوَابْ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ بَهَائِمْ كُلُهَا صَالِحَةً وَارْكَبُوهَا صَالِحَةً. Donc également, cette voix, ces moyens qu'utilisent des gens, comme le fait d'électrocuter les poulets ou les vaches pour les tuer. Cela n'est pas de l'irsène. Cela n'est pas de la bienfaisance. D'accord? Cela même leur porte atteinte. Hein? Cela leur porte atteinte. Est un acte de barbarie. Et également, lorsqu'il y a vu des gens, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, craignez Allah dans ces animaux. Mangez-les en étant serein, c'est-à-dire ces animaux qui sont sereins, ou montez sur eux, les prendre comme monture, de façon sereine également. Ne pas les maltraiter. Les animaux ont leur droit également en islam. وَأَصْحَابَ السَّعَاقِ يُحْسِنُونَ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَ بِهَذَا الْفِعْلِ مَا عَرَفُوا وَلَا أَدَوْا حُقُوقَ اللَّهِ. Donc ceux qui électrocutent les animaux pensent qu'ils font du bien, qu'ils s'y prennent bien en faisant cela. Cependant, ils n'auront pas rendu les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne les ont pas connus. Ils n'ont ni connu les droits d'Allah, ni ne les auront appliqués. وَلَا حُقُوقَ الْإِنْسَانِ. Également les droits de l'homme. Hein? Ils n'ont pas appliqué les droits de l'homme. يقتلونهم بالقنابل العنقودية قتلا ذريعا. Qu'ils tuent les hommes avec des bombes incendiaires meurtrières, hein, de façon barbare et cruelle. ويسيئون إلى الحيوان أيما إساء. Et qu'ils se comportent très mal envers les animaux. يضربون الثوب برصاص حتى يدوخ. بعد أن يدوخ ويجمد فيه الدم يذبحونه والدم فيه. Par exemple, également, pour tuer les taureaux, hein, ils les assomment avec des balles. Ce ne sont pas des balles comme des balles de revolver qui tuent les hommes, mais des balles qui assomment l'animal. Qu'il s'écroule, une fois qu'il est écroulé, c'est là qu'il égorge. Alors que le sang est en train de coaguler à l'intérieur. Et le but d'égorger un animal, c'est qu'il se vide de son sang. Hein, qu'il se vide de son sang. Et eux, c'est plutôt le contraire. Ils le tuent, ou ils l'allongent, ils l'assomment. Donc le sang à l'intérieur coagule et s'endurcit, et après cela il l'égorge. Et cela n'est pas de la bienfaisance. Hein. Cela est un acte cruel envers l'animal. Al-Muhim, annahum kadhabun, fajara, kuffar, ulaika kuffar, la ya'rifuna al-ihsan fima baynahum wa bayna rabbihim. Donc il dit, ces gens-là, comme nous l'avons dit, sont des menteurs. Là, il parle des koufars, sont des menteurs, des pervers, hein, des criminels. Car ils ne connaissent pas l'irsen, ils ne connaissent pas la bienfaisance. Ni envers eux, avec les animaux, et encore moins envers Allah subhanahu wa ta'ala. بالتوحيد فيما بينهم وبين ربهم فضلا عن ذلك الذي يظن أن ذبائحهم تلك ذبائح صحيحة. Donc même avec le tawhid, ils n'ont pas été bienfaisants vers Allah car ils font du shirk. Hein? Donc que dire d'autre que Allah? S'ils n'ont pas été envers Allah, alors pour forte raison, ils seront encore moins que les autres. Comme par exemple ceux qui pensent que leurs bêtes égorgées sont bonnes et sont valides. هذا ما هو الصواب فما عندهم إحسان وبعض الناس يذبح أحدهم يذبحها بحجر الحاد وينتفت رأسها هذه ليست ذبيحة. Donc il dit également, donc le fait de penser que leurs sacrifices sont valides, cela n'est pas correct. Ces gens-là n'ont pas de bienfaisance. Et certaines personnes, parmi eux, vont carrément égorger des animaux avec des pierres non aiguisées. Hein, ils prennent l'animal, prennent une pierre et l'égorgent. Ou également, ils lui arrachent la tête. Et cela n'est pas une bête, taïeb, cela n'est pas une bête dont la chair devient halal. Naam. Et là, il poursuit en disant, pour finir, فمن الإحسان أن يريحها ولنبغي أن يكسر العظام حل ذبحها بكثر رأسها كثرا ليس هذا من الإحسان رأينا بعضهم يذبح ويكسر ما أرحها بل أتعبها فليذبح ويفري الأوداج ويفري الأوداج فإذا فر الأوداج وسال الدم يدعها تستريح. Donc il dit que cela, parmi le fait d'être bienfaisant, c'est le fait que la bête soit apaisée et se repose. Il ne convient pas de la prendre et de lui casser les os, lui briser les os, au moment où tu l'égorges, ou que tu lui brises la nuque. Cela n'est pas de la bienfaisance. Cela n'est pas de l'irsène, hein, cela n'est pas de la bienfaisance. Et il dit que nous avons vu certaines personnes qui, en égorgeant l'animal, lui brisent la nuque, lui arrachent la tête. Hein. Donc cela est une chose qui fait souffrir la bête et la fatigue. Donc si jamais il veut l'égorger, alors qu'il lui tranche la gorge, hein, la veine jugulaire, et qu'il laisse le sang se vider, et qu'il la laisse se reposer par terre et se débattre. Cheikh Othaymine dit que le fait que la bête se débatte aide à ce que le sang s'évacue plus vite, plus rapidement. Non. وَلَا بَيْثَ بَعْضَ ذَلِكَ أَنْ يُكْمِلْ أَمَ الْكَثْرُ بِسُلْعَةِ وَرُبَّمَا قَطَعَ رَاسْ وَرَجَمَ بِهِ بِدُونْ إِرَاحَ وهي ما تعتبر ميتته بذلك الحال بهذا الحال ولكن هذه مخالفة لهذا الحديث وما يكون أحسن إليها ولا أراها. Donc il dit, quant au fait par contre de l'égorger, et au moment où il l'égorge, il lui coupe la tête directement en lui brisant la nuque, que cela, la viande, si le musulman fait cela, la viande elle est halal. Que s'il fait cela, la viande en est halal. Cependant, c'est-à-dire qu'il prend, il égorge l'animal et qu'il lui brise la nuque et jette la tête, cette façon de faire n'est pas de l'irsan. La viande, elle est halal, car il l'aura égorgé auparavant. Cependant, il n'aura pas été bienfaisant envers l'animal et n'aura pas appliqué ce hadith. Hein? Cela aurait été en opposition au hadith. Mais l'irsan, c'est de l'égorger l'animal et de le laisser se débattre et se vider de son sang, et ensuite, là, il vient, il coupe la tête et il finit le travail. Non. Donc, de là s'achève l'explication du shir. Et ce hadith nous démontre qu'en islam, tout le monde a ses droits. Qu'en islam, nous n'avons pas besoin de ce qui est les droits de l'homme, ou les droits des animaux, ou les droits des enfants, ou les droits de la femme, ou les droits des personnes âgées, ainsi de suite. Chaque individu, chaque créature a son droit en islam. Cependant, les koufars ont été contraints, eux, d'appliquer ces organismes, car ils les enfreignent. Eux sont les gens les plus loin des droits de l'homme, et ainsi de suite. Du fait qu'ils ne soutiennent pas sur les droits de l'islam. Cela les emmène à tomber dans des contradictions, ce qui font que des personnes s'imaginant être généreuses et miséricordieuses ont mis des organismes en place pour soi-disant aider les gens, alors que ces gens-là eux-mêmes sont les cruels et les barbares. D'accord ? Donc de là s'achève l'explication de ces deux hadiths, Rabbi Hadan Aktafi, on a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin.